télévision m'ont rendu fou comme un dindon. Moi, j'aimerais mieux aller discourir avec les pigeons. Y a un cadran dans mon bout.